We'll be right back. santé. Et le travail. Ça va, tout le monde va bien. Oui, mais il fait chaud, hein. Merci. Abalenda.